distance qui va tomber. Le cauchemar, je déambule dans un trottoir à la recherche d'un bar. La tête passe et les yeux embués. Le neurone déjà chargé, tout sûrement mon cœur serré. Je pense aux gens que j'ai aimés, à ceux que j'ai blessés, à ceux qui m'ont planté, à tous ceux qui ont crevé. Je me sens comme un sale gosse, paumé, qui pleure sa maman, parce qu'ailleurs est la vérité. Le reflet d'un néon vert me ramène sur terre. Je lève le nez vite fait. Ouais, bon, allez, ça va le faire. Sur scène, au centre de volutes bleues fumées, je finis mon périple près de ce piano à queue cirée. Je passe la langue sur mes lèvres gercées. J'y reconnais l'horrible saveur d'un mégot séché. Pas besoin de bouteille, monsieur, pour te saouler. Ou bien gonne tes oreilles, il suffit de fermer les yeux et écouter. Enfin, si tu peux encore, parce que t'as l'air vraiment attristé. Est-ce que tu veux entendre là? Bah, je suis pas sûr que tu puisses tout capter. Mais bon, vas-y, installe-toi, écoute et pointe ton pied. Là, une déesse sort du noir et tortille des fesses. Je sais pas si c'est ma détresse ou la langueur de ses tresses. Je me laisse partir pour un monde sauvage avec ses bêtes sauvages. Elle me lâche une tigresse s'embarquer, moi je la sens naufrage. Elle bouge son corps jusqu'à se déhancher. C'est la vie devant mes yeux qui se met à danser. Le mot qui me vient c'est estomaqué. Mais j'aurais presque envie de dire que je suis subjugué. Je me sens comme un sale gosse paumé qui pleure sa maman après avoir vu la bonne fée. Celle qui transforme le moindre désaccord en improbable cœur à corps. Ses mains délicatement tranchent l'air, pendant que ses petits seins disent « Regarde comment on est fier ». Son ventre ondule genre une mère en colère, et moi j'ai l'impression que je vais tomber à terre. Je suis tellement sonné que j'en ai du mal à respirer. J'ai pas calculé qu'elle s'est encore rapprochée. Subtilement elle pose son sublissime fessier sur un tabouret duquel elle vient de virer mes pieds. Je me perds dans les effluves de son parfum, alors qu'elle plante ses yeux dans les miens. Je mourrais pour toi, je sors comme un crétin. Je préférais que tu vives, c'est plus amusant. À la limite, use-moi comme un bon amant. Laissons passer le temps en chantant, aime-moi passionnément. Appelle-toi à moi tout en caressant. J'ai pas la sensation que tu es quelqu'un trop méchant. Je désire pas la lune, ni un prince charmant. À nos enfants de 30 ans, avec un peu de chance, ils pourront nous fêter, nous sont un printemps. Je me sens comme un sale gosse paumé qui découvre que l'on peut être pourri, gâté. Je viens d'apprendre que Père Noël pouvait exister. Avec sa voix pourrie à craquer, j'ai la tête qui commence à tourner. Monsieur, ça va aller? Faut partir là, on va fermer. Pardon? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes écroulé sur la table juste après être arrivé. Ah d'accord. Il y en a qui me tournait autour, elle... Désolé monsieur, j'ai rien vu moi. Ah. Hé hey, monsieur, c'est à vous ce bout de papier? Je sais pas, qu'est-ce qui est écrit? La bonne fée, 06 99 30...